Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. Bienvenue dans la mécanique des ondes, l'émission qui parle de radio sur fréquence protestante durant trois quarts d'heure et du parcours radiophonique d'un invité. Et pour ce 59e numéro, c'est un invité double casquette que je reçois. Ses journées commencent au micro en riant et en chantant, et en parallèle de ça, quand il n'est pas au micro, il se consacre au BPM, aux platines, à la musique qui démange, la house. Ouais. Bah quoi, on dit pas que la house ça gratte. Là où ça gratte, hein. Donc voilà. Voilà pourquoi je ne ferai jamais carrière dans l'humour. Mon invité se nomme Christophe Marceau, bienvenue. Bonjour Eddy, merci de m'inviter, c'est très gentil. Ouais. Alors je parlais de projet électro-house, on parlait de rire et de chant, donc je pense que certains auditeurs ont eu un peu la puce à l'oreille, ils ont deviné de quoi il s'agissait. Donc on vous retrouve déjà de 10h à 13h tous les matins sur Rire et Chanson, je ne me trompe pas. Donc, oui, c'est ça. Très bien, je connais la grille, donc parfait. Parfait, jusque-là tout va bien, sans faute. Mais on va s'intéresser à vos projets, mais aussi à votre parcours radiophonique, comme je l'ai dit. Mmh. Et on va commencer avec la traditionnelle première question. Vous êtes actuellement au micro d'une radio associative. Oui. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs ? Ça rappelle plein de souvenirs, ouais. Ça rappelle plein de souvenirs parce que moi, j'ai commencé la radio. Je me suis vraiment intéressé à la radio en 86. J'avais 13 ans. Et à cette époque-là, j'habitais en province, dans une petite ville de Haute-Marne, Chaumont, pour ne pas la citer. Et... moi, démarrer la radio, faire de la radio, je savais pas vraiment comment on s'y prenait, quoi. Je savais pas qu'il y avait des écoles de radio. J'étais à milieu d'imaginer ce genre de choses-là. Donc, la radio associative, ça a été la porte qui m'a permis, justement, de rentrer dans ce monde de la radio. Et puis, de trouver assez rapidement un micro et de commencer, à découvrir ce monde-là. Me rendre compte que c'était pas si facile que ça, finalement. Parce qu'on entendait les animateurs parler et tout. Et finalement, c'est assez compliqué. Et voilà. Et c'est, des années d'expérience et d'amusement où j'ai pu vraiment faire mes premières émissions comme je les concevais, tout ça. On m'a laissé assez de liberté là-dessus. Donc oui, c'est forcément beaucoup de souvenirs. Ouais. Et alors moi, j'aime bien m'intéresser surtout au commencement de la chose. Oui. Comment vous avez attrapé le virus de la radio ? Alors on est en 86, j'habite donc Chaumont, en Haute-Marne. Je fais du vélo, j'écoute pas vraiment la radio, je m'intéresse pas trop à la radio. Et je fais du vélo, tout ça. Et à Chaumont, il y avait une galerie commerciale qui s'appelait l'Agora. Et je passe dans cette galerie avec mon vélo. Et là, comme tous les magasins, il y avait... RDS, Radio Diffusion Sud 52, la radio de Chaumont et de la région de la Haute-Marne, derrière la vitrine, comme un magasin. Et là, je vois l'animateur avec la console, avec les platines, avec les disques, avec les cassettes et tout ça. Et je vois l'animateur parler dans son micro derrière cette grande console. Et j'entends l'animateur parler dans le couloir de cette... dans la galerie. Et là, ça me fascine. Et je crois que je reste 2 heures derrière la vitrine. Et après, je reviens... tous les mercredis et je reviens tous les samedis derrière la vitrine et je regarde et je suis comme un dingue. Et très vite je rentre chez moi et je dis à mes parents, je veux faire de la radio plus tard. Vous avez même pas tenté de frapper à la porte, les émetteurs de l'autre côté de la vitre, est-ce qu'ils se sont pas dit je suis un grand timide. Alors à l'époque j'étais extrêmement timide, donc aller toquer à la porte et leur dire est-ce que je peux rentrer, tout ça, voilà. Je pense qu'à un moment ils ont dû me dire rentre. Viens, parce que là tu vas pas rester dans le couloir pendant des mois, quoi. Et donc voilà. Et après, par le biais de l'école, j'ai réussi à faire un stage d'une semaine où je me suis retrouvé dans le studio avec eux pendant une semaine à RDS. Et je rangeais les disques, les cassettes, je les ai questionnés. Ça m'a fasciné. Et là, j'ai su vraiment que c'était ça que je voulais faire. Et alors, les études, justement, est-ce que la radio, dans le choix de vos études, ça a été un élément qui vous a guidé dans ce choix? Non, pas du tout. Non, parce que encore une fois, je suis en province. Là-bas, quand je commence à dire à mes professeurs que je veux faire de la radio, tout le monde me regarde avec des grands yeux. On me dit ouais, ok, on sait pas. Voilà. Alors au départ, moi, je voulais être journaliste. Et puis j'ai bien compris que journaliste, ils savaient encore moins comment faire que animateur. Donc ils étaient complètement perdus. Donc j'ai dû me débrouiller par moi-même. Donc j'ai fait, pour faire plaisir aussi à mon père, des études dans l'électronique, parce que pour mes parents, c'était pas vraiment un métier, mais comme beaucoup de monde encore aujourd'hui, c'était pas vraiment un métier. Et puis, ils voyaient pas comment je pourrais en vivre toute ma vie. Donc, c'est une passion, c'est bien, amuse-toi. Mais travaille pour avoir un vrai métier et puis ou au moins assure les arrières. Donc j'ai fait des études dans l'électronique avec la tête en permanence dans la radio, quoi. C'est-à-dire que au Bahut je faisais plus grand chose, hein. J'écoutais vraiment même en cours la radio en dissimulant une oreillette dans ma manche. Enfin j'avais que ça en tête, que ça. Il y a ceux qui ont les anti-sèches en cours, il y a ceux qui planquent le Walkman. Ah ouais ouais. Non oui j'étais un fou furieux. Ouais. Et alors la radio associative, enfin la radio tout court, du coup, votre première radio. Alors ma première radio, c'est RDS, à Chaumont. Où, alors après ce stage, ils ont bien vu que j'étais déjà passionné et que ça me fascinait. Et très vite, ils m'ont proposé de venir faire une petite chronique le mercredi matin dans une émission qui s'appelait Graffiti, une émission qui était destinée un peu aux jeunes. J'avais 14 ans donc à cette époque-là. Et le 7 décembre 1987, je fais ma première intervention sur l'antenne de cette radio-là et je fais une chronique sur la sortie de l'album Bad de Michael Jackson, où j'ai un mal fou à prononcer Thriller. Et voilà. Et je suis tétanisé. J'ai encore la cassette que je n'ai jamais réécoutée parce que je peux pas la réécouter. Les premières fois sont toujours difficiles à entendre. Voilà, c'est ça. Mais voilà. Et là, je commence à faire, à rentrer, pas officiellement dans cette radio, mais à faire des petites chroniques, à faire un petit peu d'antenne avec eux. Et voilà. Mais ça a duré combien de temps, du coup, pour vous, RDS? RDS, ça va de 87, enfin, fin 87, on est en décembre quand je fais ma première intervention chez eux, et puis ensuite je déménage, je quitte Chaumont, je crois qu'on est en 89 parce que mon papa est militaire, et donc on déménage tous les 2-3 ans, voire un an, donc voilà, je vais être amené à bouger. Et après Chaumont, eh bien, je monte à Paris, et là, en 89, je découvre cette fois-ci la radio parisienne. Il y a plus de choix. Et là, il y a beaucoup plus de choix. Il y a beaucoup de choses à écouter. Et quand on est passionné de radio, bah là, on découvre une multitude de choses. Et là, je pars à fond, quoi, parce qu'il y a tellement de radio et tellement de portes à les pousser, quoi. Et là, du coup, pareil, c'était de nouvelles expériences, des nouvelles choses que vous apprenez, ou au contraire, alors, vous avez mis en application ce que vous aviez déjà vu. Alors, la première chose que la première radio que j'arrive à décrocher à Paris, c'est Tropic FM, à côté de Gare de Lyon, parce que je démarre pas tout de suite par la house music. Je me passionne, en fait, à RDS, je découvre la radio, et juste en face, dans cette galerie commerciale d'RDS, il y avait une discothèque, qui s'appelait l'Agora Club. Et je découvre en même temps la journée, la porte de cette discothèque qui est ouverte parce qu'ils font le ménage et tout, et je passe la tête, j'ai 14 ans, je vois ça et ça me fascine, je trouve ça fou et tout, mais je peux pas y rentrer, moi j'ai 14 ans, et donc le soir c'est pas possible, et puis en journée de toute façon on veut pas me laisser rentrer, il y a rien à faire. Et là je me dis que j'ai aussi envie de faire ça, j'ai envie d'être DJ pour pouvoir rentrer en discothèque, en fait. Et donc très vite, quand j'arrive à Paris, j'écoute du hip-hop, je me passionne pour le hip-hop, je deviens DJ dans deux groupes de hip-hop, on commence à faire des concerts, tournées et tout ça, et la première radio qui m'accepte, c'est donc Tropic FM, pour faire une émission hip-hop à l'époque. Quelques mois après, on devient Média Tropical, on déménage de Gare de Lyon, on va à Gallieni, à la Tour Gallieni 2 à Bagnolet, et puis là, je reste pendant 2 ans à Média Tropical, où je fais des émissions hip-hop, où je reçois des artistes, où je fais des chroniques sur l'actualité de la scène hip-hop américaine et puis française. En parallèle, on fait des concerts, des premières parties d'MC Solar, de Dayam à l'époque et tout ça, enfin c'est génial. Ouais, ça fait de nouvelles expériences. Voilà, exactement. J'arrive à ouvrir aussi la porte de Radio Beurre. Enfin, c'était Radio Beurre à l'époque, qui deviendra après Beurre FM. Le mercredi, je suis à Tropic FM, Média Tropical, et ensuite le samedi, je suis à Radio Beurre, et voilà, et je suis à fond, pareil. Et après Paris, moi j'avais un retour à Metz. Un peu alors plus tard, oui. Ouais. Je redéménage en 93, je vais à Metz, donc je suis mes parents, pareil. J'arrive là-bas, je trouve une petite radio RPL où je reste 2 mois. Ensuite, je pars faire l'armée, mais comme papa est militaire, j'arrive à rester à Metz pour faire mon armée. Donc, j'arrive à rentrer à Metz FM, qui est la radio de la ville de Metz, qui est une belle radio. Et puis là, je passe 4 années fabuleuses, parce que là, on me fait confiance, on me permet de faire vraiment beaucoup de choses. Entre-temps, j'ai basculé sur la house music, sur le clubbing. Je fais du clubbing à côté, voilà. Et puis Stéphane Ledecker, qui est à l'époque le directeur de cette radio-là, me fait confiance. En tout cas, il me pousse et ouais. Et je vis de belles choses là-bas. Mmh. Et donc du coup, Metz FM, c'est la radio en quelque sorte où vous aviez commencé à sortir votre casquette de DJ vraiment pour la première fois sur les ondes. C'est vraiment la radio sur laquelle je me suis épanoui, où je fais de la prod, où je monte sur des Revox quasiment toute la journée, où je fais les remplacements des animateurs dès qu'ils sont absents et j'en suis très heureux. Je fais mes premières émissions club en radio le samedi soir, le vendredi soir. Je mixe aussi dans les boîtes autour de Metz. Voilà, là je suis vraiment à fond et je réunis mes deux passions. Le clubbing, DJ et la radio. Et là, c'est fabuleux. C'est fabuleux pour moi. Et Metz FM, donc vous êtes resté jusqu'au bout, on peut le dire. En 98, la radio s'arrête. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, en fait ? Alors, en parallèle, alors, moi, je voulais parler dans tous les micros, je voulais mixer partout, je voulais la radio, c'est je suis vraiment ça coule dans mes veines. Donc en même temps que je fais mes FM, je vais au Luxembourg, on n'est pas très loin du Luxembourg, je bosse sur le programme Europe 2 au Luxembourg sur WKY l'après-midi, le week-end je suis sur Top Music à Strasbourg, réseau régional qui était à l'époque une radio de malade à Strasbourg où pareil je vis des choses de fou où je fais aussi les émissions club là-bas, je mixe dans les clubs à Strasbourg, et voilà, tout ça en parallèle. 98, je crois que je pars un petit peu avant la fin de mes FM, parce que je redéménage, et cette fois-ci je pars à Orléans. Ouais, parce que je pensais, je croisais les dates et les historiques, et je pensais justement que vous étiez resté vraiment jusqu'à la fin. Ah oui. Donc du coup, je suis porté. Je crois pas, je me rappelle plus, je crois pas que j'ai connu, je sais plus en fait. Je sais plus. Bah, à quelques semaines ou à quelques mois après. Enfin, voilà, on est dans ces eaux-là. Mais voilà, oui, en 98, moi, je pars à Orléans parce que j'ai une proposition à Vibration, dans le groupe Vibration, Start. Et voilà. Mais oui, Metz FM, c'était une super aventure. Et Metz FM, qui deviendra par la suite, finalement, Direct FM, toujours à Metz-Nancy, dans la région, et qui est toujours dirigé aujourd'hui par Stéphane Nedecker. Mmh. Et alors, vous parliez justement de cette envie de parler dans tous les micros. Mais oui. Moi, je voudrais savoir, au tout début, quand vous avez fait vos premiers micros, à ce moment-là, vous rêviez vraiment au micro de quelle grosse radio ? Au micro de quelle grosse radio ? On a envie forcément. On a envie forcément très très tôt et très rapidement de se retrouver un jour sur Énergie. Et je me suis dit à 25 ans, il faut que je sois sur Énergie à 25 ans. Et puis voilà. Et j'ai des propositions pour des radios parce que c'est bien de travailler sur des radios associatives, mais on n'a pas beaucoup de retours sur ce qu'on fait, sur le travail qu'on fait. Donc très vite, moi, je me dis, ben, pour essayer de savoir si j'évolue, si je progresse et tout ça, ben, je vais tous les six mois refaire une maquette et je vais l'envoyer à plein de radios, des radios locales, des radios régionales. Doucement, je vais chatouiller le national. Et voilà. Et comme ça va me permettre d'avoir un retour sur mon travail et une appréciation d'autres directeurs, de gens qui ne me connaissent pas. Et je me rends compte que j'arrive à ouvrir des portes que je ne soupçonnais pas. Et voilà. Et Énergie, la porte ne s'ouvre pas tout de suite. Et en même temps, j'ai envie de parler sur toutes les radios et j'ai envie de faire mon parcours tranquillement aussi. Je veux pas monter trop vite parce que le Natio, on en a envie forcément. C'est pas une finalité, mais on en a envie. Et en même temps, tu te dis, je vais arriver moi sur Énergie ou autre si j'y arrive ou sur n'importe quelle autre radio nationale. Mais après, le plus dur une fois que tu y es, c'est il faut durer. Et si j'ai 25 balais, est-ce que je vais réussir à faire un an déjà, passer la première année ? Est-ce que je vais réussir à faire 5 ans, 10 ans ? Et si au bout de 5 ou 10 ans, moi le national me dit au revoir, je fais quoi ? J'ai 35 ans et mon parcours radio il s'arrête. Je fais quoi ? Je retourne sur des radios locales, régionales. Enfin voilà, il y a pas de mal à revenir en arrière ou autre, mais qu'est-ce que je fais ? Donc je me suis dit, vas-y cool, t'as vu que tu pouvais ouvrir telle et telle autre radio, Fun Radio au milieu des années 90 me contacte, Skyrock pareil et tout, je ne peux pas y aller pour des raisons personnelles, c'est pas grave. Donc je fais mon parcours tranquillement, radio locale, régionale, où je m'éclate, je teste un petit peu à Metz aussi, on me propose de faire des remplacements sur Énergie, sur Chéri FM à Metz. Voilà, ça y est, Énergie c'était fait alors. Donc voilà, c'est en 96. Je remplace Stéphane Gentil à Chéri FM, Romain-Nicolas Bello un petit peu à Énergie, mais je m'ennuie en fait. Je m'ennuie, ça dure 3-4 mois et je m'ennuie parce que je me retrouve tout seul dans un studio à devoir aussi faire des spots publicité la journée. Je suis pendant 3 heures à faire les dédicaces sur l'antenne de cette radio à Metz et il n'y a personne, il n'y a pas d'équipe, je suis tout seul dans le studio en fait, entre 19h je crois et 22h, un truc comme ça. Et voilà, et moi j'ai besoin d'être sur une radio régionale comme à Top Music, comme à Metz FM, où il y a une équipe autour, où on peut faire des passages d'antenne, où on peut s'éclater, tout ça, parce que quand j'étais moi en local, j'avais cette frustration. frustration, tu peux pas faire de passage d'antenne avec le gars qui est à Paris derrière sa console en fait. Donc ça me manquait. Donc voilà. Donc je prends le temps local, régional, et puis après on visera le national, et voilà. Et alors justement, quel national ont ouvert les portes à Christophe Marceau? Suspense, on va le savoir juste après la première pause musicale, avec un morceau que vous avez choisi, oui. On va s'écouter du R. Oui, R, Radio Number One, parce que bah, pour moi, la radio c'est vraiment ma passion première. Ma vie est faite de passion, tout pour moi est passion, je suis passionné de plein de choses et tout ça, mais la radio c'est vraiment ma passion numéro un, et ça me rappelle énormément de souvenirs justement dans cette radio nationale qui m'a embauché, mais dont on parlera après alors finalement. Excellent album 10 000 Hertz Legend de ouais. R, c'était donc Radio Number One. C'est fabuleux, fabuleux. Ça reste un petit peu record avec Énergie aussi, son temporaire, le fameux. Oui, le fameux Radio Number là-dedans. One, ah bah oui. Mais alors, les auditeurs eux, se demandent, mais alors c'est quoi cette radio nationale? C'est laquelle? Est-ce que c'était Énergie? Est-ce que c'est raccord avec ce morceau? Eh bien, c'est une de celles qui me faisait le plus rêver et celle sur laquelle je pensais jamais pouvoir travailler un jour, parce que quand je l'écoutais, quand je regardais les images des studios sur, à l'époque c'était sur Canal Satellite, je crois qu'ils rediffusaient les images du studio, et j'étais fasciné, je pouvais rester des heures. Enfin, alors, souvent il y avait rien, il y avait ce gros micro avec cette grosse bonnette jaune qui était filmée toute la journée, et voilà. Mais j'écoutais, elle me fascinait. fasciné parce qu'il y avait des grands noms dessus. Il y avait Richard Bohringer, il y avait Marie Lecoq, il y avait Éric Madelon, il y avait Patanjali, il y avait Baffy, il y avait les 2 minutes du peuple de François Pérus, il y avait tout ça. Et donc c'est évidemment Europe 2. Et quand en 98 je quitte la Metz, je passe, alors après Metz, je passe à Orléans, et je travaille, voilà, Vibration, Forum, Ado, etc., etc. À un moment, au bout de 3 ans, j'ai envie de changement et j'ai envie cette fois-ci de m'essayer au national. Donc je postule sur plusieurs radios, je pourrais pas te dire sur lesquelles, mais enfin les classiques. Et puis j'envoie quand même une maquette à Europe 2, mais vraiment c'est la dernière que j'envoie parce que de toute façon je suis persuadé que jamais ils me rappelleront, c'est impossible qu'ils me rappellent. Et la première qui m'appelle, ben c'est justement Europe 2, c'est Coé qui m'appelle une après-midi. Et je crois que c'est une blague au départ, je crois pas. Et voilà, et c'est lui qui me dit que voilà, il a bien aimé ma maquette, il aimerait bien qu'on se rencontre. Et que je viens de faire un essai. Et je viens faire un essai. Parallèlement, je fais un essai aussi pour Rire et Chanson, parce que j'aimais bien le format de cette radio-là. Et voilà. Et puis, il se passe rien avec Rire et Chanson. Et finalement, bah, c'est Europe 2 qui m'embauche. Ouais. Quand même, propose de démarrer, de faire les nuits chez eux. C'est ça. Et alors, dès l'ouverture du premier micro, à ce moment-là, comment on se sent quand on parle à toute la France? C'est la folie, mais c'est la folie. Mais c'est même pas le fait de parler dans toute la France, parce que venant de Forum, Vibration et tout ça, c'est des radios qui ont déjà 30, 40, 50 fréquences et tout. Donc c'est déjà des mini radios nationales. Oui, enfin, je pense plus à la marque surtout là. Mais voilà, c'est ça, c'est la marque. Et d'un coup, je sens une pression sur mes épaules, surtout que les premiers remplacements que je fais, c'est l'été, avant de démarrer la nuit. Et là, on est en journée. Il y a des gens dans les bureaux, tout ça. Enfin, c'est le groupe Lagardère, on rentre par l'entrée d'Europe 1, on traverse justement le couloir d'Europe 1, on passe devant le studio Coluche, tout ça. Et ouais, je sens une grosse pression. Et autour de moi, j'ai des gens, voilà, j'ai Patanjali, j'ai Éric Madelon, ces mecs-là, ils ont déjà un énorme parcours. Moi, je suis le petit dernier arrivé. Et ouais, donc c'est. Mais ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur parce que si je suis là, c'est que, voilà, c'est qu'à un moment, quoi, a jugé que j'étais peut-être légitime. Et là aussi, à un moment donné, on vous a confié les platines d'Europe 2. Il y a eu le Club 40 pendant une saison que vous avez repris. Là, c'était un beau cadeau qu'on vous a fait. Que Philippe s'était refait pendant un an. Et puis, au bout d'un an, ça s'arrête pour Philippe, en tout cas pour le Club 40. Et je vois Coé qui cherche, il cherche une solution pour la rentrée et tout. Et moi, je redis 2-3 fois à Coé et à Olivier Rioux, qui est le directeur d'antenne à l'époque. Et je lui dis, mais tu sais, moi, je mixe. J'ai fait pendant des années des émissions dance et tout. Et j'adorerais, moi, faire mixé sur Europe 2. Et puis bah il l'entend, mais il fait plein de choses en même temps, quoi. Et donc voilà, donc il faut que je lui répète 2-3 fois, 4 fois, 5 fois, je lui file un CD, un mix de mix, 3 mix, et puis voilà. Et puis c'est marrant parce qu'il finit par me filer le Club 40 à la rentrée, et puis 3-4 semaines après, il me dit tu sais mixer. J'ai dit, bah oui, ça fait des semaines, des mois que je te le dis. Enfin voilà. Et j'aime pas demander. En fait, j'ai jamais rien qui est demandé en radio. J'ai jamais osé demander, prétendre à telle ou telle autre émission et tout. Donc j'ai toujours laissé faire les choses. Et voilà. Mais à un moment, il faut un peu forcer les choses. Et voilà. Et puis finalement, en plus, au bout du premier sondage, on se retrouve première émission d'Ens de France. On passe devant Fun Radio avec Party Fun, Extravence Energy. Donc je suis super content. Puis eux aussi. Et voilà, c'est génial. Et donc je m'amuse pendant un an et demi, je sais pas, 2 ans, je sais plus. Et après l'aventure Europe 2, alors du coup, comment ça s'est terminé justement cette aventure? Est-ce que c'est lié au départ de Coé? Je crois qu'à ce moment-là, il partait pour Fun. Alors moi j'arrive à Europe 2 en 2001, il y a encore Olivier Rioux, il y a Coé, tout ça, c'est génial. J'ai le Club 40. Entre temps, j'ai Bruno Guillon, très sympathique, que je connais pas et que on s'est très peu croisé dans ce métier, qui dit à Roberto et puis à Fredo Energy, écoutez le gars là qui fait le pré-morning de Coé, donc après la nuit, il est intéressant. Et puis un jour, ben c'est Roberto qui m'appelle et Fredo et qui me propose de venir à Energy et tout. Mais moi, Energy, du coup, ben ça me fait flipper, j'ai peur et puis j'ai pas encore vécu. Je suis encore la nuit, moi, sur Europe 2, j'ai pas encore vécu mon aventure, mon histoire d'amour avec Europe 2. Moi qui croyais que je n'arriverais jamais à travailler sur cette radio-là, je veux vivre mon aventure avec Europe 2. Donc je leur dis gentiment que non, c'est trop tôt pour moi et tout. Ils me recontactent l'année suivante, je redis non parce que j'arrête le Club 40 à Europe 2, j'aimerais bien récupérer une partie d'Extravadence et tout ça. Ils me disent c'est compliqué et tout. Ils me proposent une émission la nuit, une libre antenne de minuit à 3 heures, et je crois pas du tout. En fait, je les crois pas. Ce qui est marrant, c'est que je les crois pas du tout. Et j'ai l'impression qu'on va me mettre dans un placard à énergie, parce que je crois pas qu'énergie va faire une libre antenne de minuit à 3h la nuit. Et en fait, je me trompe, parce qu'ils ont bien fait une libre antenne la nuit, avec Témis, du coup. Et voilà. Mais pas de regret, parce que je continue mon aventure avec Europe 2, où je suis très bien. Il y a Coé qui s'en va, effectivement. Olivier Rioux s'en va aussi. Il y a beaucoup de nouvelles têtes qui arrivent, tout ça. Ça change, l'ambiance change, tout ça. Il n'y a pas trop de perspectives d'évolution pour moi. Et j'en ai marre. Et je suis fatigué, en fait. Je suis fatigué. Et j'ai envie d'autre chose. Donc en 2005, je dis à Jean-Pierre Dupasquier, qui est le directeur d'antenne à l'époque, je lui dis que j'arrête. Que j'arrête, et voilà. Et alors là, erreur de ma part, je me dis que sortie d'Europe 2, je vais retrouver facilement du travail. Parce que, alors pas parce que je suis bon ou autre, hein, attention, mais parce que Europe 2, c'est une carte de visite de fou sur un CV. Enfin, c'est l'impression qu'on avait. Et puis c'est une radio qui brille. Voilà. Et en fait, je me trompe parce que je retrouve pas de boulot. En même temps, je m'en vais en juillet d'Europe 2 et non, je retrouve rien du tout à la rentrée. Donc c'est pas grave. Ça me permet de monter d'autres projets, notamment Deep Inside, dont on parlera certainement tout à l'heure. Et puis voilà, et je reste un an off chez moi, travailler H24 sur Deep Inside. Je recherche pas spécialement de micros parce que j'étais un peu fatigué. Et le projet voilà. Devait prendre du temps déjà. Alors à oui, mettre en pour place. Le coup, ça m'occupe énormément ce projet Deep Inside. Et ensuite, c'est je connais du monde qui travaille à MFM et qui me dit viens faire un remplacement ou deux à MFM. Et je me vois pas moi du tout sur MFM par rapport à leur format musical, par rapport à ce que j'entends à l'antenne, c'est trop adulte pour moi, c'est trop posé, je m'y vois pas. Et puis on me repropose un petit peu plus tard, je lui dis non, mais enfin ça me convient pas, c'est pas moi, j'ai une animation qui est trop speed, je suis trop dynamique, ça colle pas, j'ai pas la culture pour cette radio. Et puis on me repropose encore en juin, au moment où mes congés spectacles, enfin la NPE à spectacle s'arrête pour moi, enfin où je ne perçois plus rien. Et là, je me dis, il faut peut-être que tu fasses quelque chose là, parce que il faut. Donc, j'accepte d'aller faire un petit remplacement d'une semaine. Et puis, finalement, je trouve ça rigolo, en fait, MFM. C'est aux antipodes de ce que je fais, de Deep Inside, que je suis en train de monter, et qui est un projet house music et tout. Et j'aime bien, moi, ces grands écarts, en fait. J'aime bien. J'aime bien. Et voilà. Et j'y vais une semaine, je fais un remplacement, on me propose de refaire des remplacements pour l'été. J'y vais, on me confie le morning remplacement pendant l'été à MFM. Et puis, à la rentrée, on me propose de faire toute la saison sur le morning et de le faire avec Boudine, que je peux appeler, qui était l'ancien réalisateur de Coé à Europe 2 et puis dans plein d'autres radios. Et voilà, et on s'éclate pendant un an MFM en se disant qu'on va le faire qu'une année MFM parce que c'est trop loin de ce que je suis. Et en même temps, on m'a laissé totale liberté là-bas, je peux animer avec mon style et je suis pas obligé de faire du MFM. Et donc c'était génial. Donc on s'est amusé pendant un an et à la fin de cette saison sur MFM, donc on est fin 2007. Oui. Et on va voir le directeur d'antenne de l'époque et on lui dit que voilà, on va arrêter. Et comme c'était aussi un nouveau directeur d'antenne et qu'en général quand il y a un nouveau directeur, il change le morning, je pense qu'il avait aussi en tête de changer le morning, donc voilà, ça tombait bien. Et puis là, eh bien, je retoque à la porte de Rire et Chanson parce que j'ai plus envie de musical, j'ai plus envie de radio musicale, j'ai envie d'une radio différente, j'ai envie d'une radio d'autoroute, j'ai envie d'aller m'amuser sur une radio d'autoroute. Alors c'est bizarre, mais voilà. Un jour peut-être, hein, on sait pas. Parce que j'ai des infos qui vont tomber devant moi et voilà, je vais me sentir utile peut-être derrière ce genre de micro là. Et puis j'ai envie de Rire et Chanson, j'avais déjà testé en 2001, ça s'était pas fait et j'ai envie de tester une nouvelle radio. Et alors les périphériques, c'est pas pour moi parce que je suis pas journaliste, tout ça, donc voilà. Et finalement je quitte MFM juste pour un remplacement de 3 semaines à Rire et Chanson, et puis ces 3 semaines finalement se prolongent jusqu'à maintenant. Oui, parce que ça fait depuis 2007, donc presque 12 ans. Ouais. Je suis, je termine ma 13e saison à Rire et Chanson. Et en plus, alors je me fais beaucoup chambrer encore aujourd'hui parce que je leur ai dit quand je suis arrivé, je ferai qu'un an à Rire et Chanson, je viens. Mais en même temps, moi, j'étais habitué à changer de radio régulièrement. Et voilà, je leur avais dit, je vais faire un an. Et puis après, voilà. Et puis aujourd'hui, je me fais chambrer parce que j'en suis à ma 13e saison. Ouais. Alors on va y revenir sur cette aventure, et puis peut-être sur Deep Inside aussi, ouais. Si on a un peu de temps. Le temps de la deuxième pause musicale, qui fait justement référence à Deep Inside, ça je vous laisse vous en parler. Deep inside, deep, deep down inside, deep, deep, deep inside, deep, deep. Sur Fréquence Protestante, on dirait pas comme ça, mais oui, je crois qu'on n'a jamais eu de house à l'antenne. Ouais, je voulais faire différent. Vous avez bien fait, ça change. Hard Drive avec Deep Inside, oui. Une petite pépite rare en matière de house des années fabuleux. 90, ouais. Fabuleux, qui fait référence à un projet qui vous tient à cœur et ouais. qui cartonne en plus, Deep Inside. Et qui occupe encore mes journées depuis 14 ans. C'est une grande histoire d'amour avec Deep Inside. Alors, Deep Inside, on va en parler un petit peu. Moi, je m'en souviens, quand ça a commencé en 2005, c'était une web radio à la base. Oui, on a commencé avec une web radio. Ouais. Qu'est-ce qui vous a motivé à fonder justement cette aventure? Moi, j'avais envie, je m'intéressais, quand j'étais la nuit à Europe 2, j'écoutais un petit peu ce qui se passait. Je voyais toutes ces web radios qui commençaient à Fréquence 3, par exemple, Radio 9. Et ça me fascinait parce que le Natio, c'était très bien, mais on était quand même hyper cadré. Et quand tu fais du flux en radio nationale, t'as quand même peu de liberté. En tout cas, c'est difficile de la trouver. On peut la trouver, mais c'est assez difficile. Et je trouvais ça génial, moi, ces web radios diffusées sur Internet. Il n'y avait pas de frontières, il n'y avait pas de limites. Enfin, voilà. Et j'avais très envie. C'était un peu de la nouvelle radio libre, en quelque sorte. Exactement, exactement. Et donc, j'ai contacté des mecs qui avaient fait une web radio électronique à Paris qui s'appelait Radio 9 et tout. Et je leur ai dit que, bon, certes, je travaille à Europe 2, mais j'aurais adoré faire des choses chez eux, une émission ou autre et tout. Et ils n'ont pas pris au sérieux, c'est ma proposition. Ils se sont dit, ils se moquent de nous, en fait. J'ai recommencé et tout, et j'ai fini par les rencontrer, voilà. Et j'ai fait une petite émission chez eux. Cette radio-là a fermé 3 mois après, et je les ai aidés à démonter tout le matériel et tout, avec Jérémy Leleu à l'époque, qui était le directeur de cette radio. Et je lui dis, on a démonté tout le studio à 6h du matin, après ma nuit à Europe 2. Et je lui dis, c'est quand même dommage, quel gâchis et tout. Moi, j'ai plein d'idées, faut pas arrêter, faut faire autre chose, et voilà. Et très vite, on a discuté de ce qui était possible de faire, et moi, j'avais ce projet de Deep Inside, j'avais pas encore le nom, mais voilà, d'un projet house, d'une radio house, enfin de faire une radio que j'aurais adoré écouter, mais qui n'existait pas pour moi en tout cas. Donc la web radio a duré quelques années, en 2011 elle ferme, mais Deep Inside continue aujourd'hui encore sous forme de podcast, et puis il y a une émission, je crois, qui est reprise en syndication sur pas mal de radios. Moi, je voulais savoir déjà, d'une part, les DJ, Parce que j'ai vu la liste sur le site, c'est une liste impressionnante. Mm-hmm. Comment vous arrivez à les convaincre de venir au sein de Deep Inside? Je pense surtout au début, quand le projet s'est monté. Alors tout au début, on a voulu démarrer avec des DJ connus, justement pour se différencier des autres. Alors c'était pas facile parce que Deep Inside c'était juste un ordinateur avec un Windows 98 dans une cave humide du 17e arrondissement. Donc pas facile, mais on a réussi à convaincre Jamie Lewis, Ludovic Lorca, on a réussi à convaincre beaucoup d'autres DJ, j'en perds les noms, et voilà. Mais oui, au début on n'était pas spécialement pris au sérieux et tout ça, et c'est finalement le travail qu'on a fait sur la programmation, sur la recherche des titres, sur peut-être l'habillage, sur le souci du détail, sur les visuels, sur notre communication. On a voulu communiquer comme des grands, et tout ça qui a fait peut-être à un moment la différence, et voilà. Mais les premières années, hein, les 5-6 premières années, c'est compliqué, hein, quand même. On invite des DJ, mais ça reste compliqué. Et maintenant, c'est beaucoup plus facile. Maintenant, on vient toquer à notre porte. Donc, c'est plaisant. Et au niveau des radios qui vous diffusent aujourd'hui, enfin qui diffusent l'émission Deep Inside, c'est elles aussi qui viennent frapper à votre porte? Il y a une sélection? Comment ça se passe? Oui, sont ces radios-là qui viennent. On s'est dit à un moment, il y a plus la radio. On devait pas continuer après la fermeture de la radio. On devait pas continuer Deep Inside. On voulait fermer le projet, voilà, parce que moi je commençais à m'endetter financièrement et personnellement à cause de ce projet-là. Donc voilà, on voulait arrêter, et en fait c'est face au nombre énorme de mails, de sollicitations qu'on a reçues, de propositions de rachat et tout, qu'on a eu, qu'on s'est dit, bah, il y a peut-être un truc, il faut continuer, en fait. Donc, on a refait des podcasts. Et puis après, on s'est dit, allez, on va proposer nos émissions, nos mix aux radios, parce qu'il faut diffuser au maximum cette musique-là, et voilà. Il n'y a pas de limite. On met l'émission en syndication, et puis elle se retrouve diffusée. Aujourd'hui, elle est diffusée un peu partout dans 50 pays dans le monde, sur plein de radios comme Kiss FM en Australie, FG a diffusé pendant 2 ans et demi, 3 ans il y a quelques années. Mmh. Enfin, voilà, c'est génial. Les preuves du succès, Deep Inside, les podcasts sont parmi les plus suivis en ligne. L'émission est une des plus diffusées dans le monde. Mmh. Et paradoxalement, je trouve que ça manque de house sur nos radios FM. Ah bah, à part Better Days sur NRJ et puis peut-être FG certains soirs. Ouais. Ben oui, ça manque cruellement de house music. En fait, c'est une musique, je sais pas, qui est incomprise, ou j'en sais rien. Elle est belle, elle est pas vulgaire. Alors forcément, je vais en parler avec beaucoup d'amour et tout ça, mais moi, la house music, elle me passionne depuis fin des années 80, avec des David Morales, des Frankie Knuckles, tous ces gens-là, ils m'ont fait rêver. Louis Vega, Kenny Dope, les Masters at Work, tout ça. Alors c'est peut-être des noms qui n'évoquent pas grand-chose pour plein de monde, mais oui. Et la FM dans les années 90 a diffusé de la house music sur des radios comme NRJ, des Sissi Kenistone, oui, beaucoup, Maximum, Ultra Naté. Il y avait plein de remixes, des remixes de gens comme Beyoncé. Il y a eu cette musique-là, et aujourd'hui elle est boudée, voilà. Et pourtant elle existe depuis, elle est omniprésente en tous les cas depuis la fin des années 80, et il y a énormément de sorties toutes les semaines, c'est la folie. Deep Inside, donc, qui cartonne, et Rire et Chanson, où ça se passe bien aussi. Où je m'amuse. Entre 10h et 13h, Christophe Marceau dans la mécanique des ondes et sur Fréquence Protestante. On va passer à quelques petites questions. Allez. À commencer par la question capsule, une question déposée par l'invité de la précédente émission. François Sorel de RMC était avec nous. Ah, on écoute sa question. Alors, j'ai une petite question technique sur la publicité, en fait, à la radio. RMC, on passe de la publicité parce qu'on est une radio commerciale. Qu'est-ce que vous faites pendant la pub? Est-ce que vous écoutez la pub de peur de rater le retour de l'émission? Est-ce que vous zappez, mais vous changez de radio et vous ne revenez pas? Ou alors, est-ce que vous vous zappez, est-ce que vous revenez après la pub? Tiens, ça m'intéresse. Alors, je zappe pas, on peut pas zapper, on peut pas écouter les autres radios. Enfin, je pense que c'est plus d'un point de vue auditeur. Il y a deux facettes. Au studio et en écoutant la radio, je pense. Alors, dans le studio, la publicité, non, en général, on en profite pour aller chercher un café à la machine, et puis voilà, pour faire une petite pause ou autre. Mais on garde quand même un œil sur les écrans et tout, parce que même si quand on balance un écran de 6-7 minutes de publicité, il peut se passer n'importe quoi, c'est que des machines, c'est relativement fiable, c'est même très fiable, mais bon, donc on garde toujours un œil sur les compteurs et tout ça, et voilà. Et sinon, quand j'écoute la radio, la publicité, moi, elle me fait fuir. Donc je zappe. zappe, je zappe, je zappe et je zappe. Comme pour la télé, elle me fait fuir aussi. Alors c'est marrant parce que bah, je la diffuse, j'en envoie tous les jours, toutes les heures, la publicité et finalement, bah, je la fuis moi quand je suis auditeur. Donc, Mais pas en studio. Mais pas en studio. On peut pas tout avoir. On va passer maintenant au questionnaire rapide avant de nous quitter. Christophe Marceau, êtes-vous prêt? Je suis prêt. Allons-y. Une personnalité de radio qui pourrait être votre modèle? Super Nana. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence? RTL pour mon enfance avec mes parents, la valise RTL, Fabrice, Max Meynier, tout ça, c'était génial d'écouter cette radio. Je rêverais d'y travailler un jour. Et puis aujourd'hui, c'est ça la question? Votre enfance et votre adolescence? Adolescence, maximum pour l'adolescence, que j'ai écouté H24, jour et nuit, pendant 2 ans et demi. C'était la folie. Quelle radio vous réveille le matin? Aucune. J'écoute pas la radio le matin. Je suis pas abonné. Non, aucune. Ouais, j'écoute pas trop. Je vais écouter un petit peu RMC de temps en temps, suivant l'actu. Mais non, en fait, je me réveille sans radio, sans musique. Et voilà. Et la première radio que j'écoute le matin, bah, c'est Rire et Chanson quand je prends l'antenne. Quelle radio vous endort le soir? J'aime les radios qui parlent. Moi, une radio qui diffuse que de la musique la nuit, ça m'ennuie. Et, j'étais la dernière voix la nuit sur Europe 2. Je trouve ça bien dommage que la nuit, quand on passe sur beaucoup de radios musicales, il se passe pas grand-chose. Et voilà, il y a une vraie vie. Et surtout, j'ai pu le constater sur les années que j'ai fait en radio la nuit, il y a vraiment un public. Et la nuit, on n'entend pas la radio, on l'écoute. Donc voilà, on est utile. Donc la nuit, bah, ça va être RMC, quand j'ai grâce au rediff. Un endroit où vous écoutez toujours la radio? La voiture. Un endroit où vous ne l'écoutez jamais? Les toilettes. Votre meilleur souvenir de radio? Oh, y en a plein, c'est une question... Il y en a plein, Metz FM... Top Music, ouais, allez, Top Music, Top Music, cette radio m'a fasciné, donc Top Music à Strasbourg, 5-6 fréquences, et à l'époque, le standard, 4 téléphones gris, qui sonnaient gring, gring, et les 4 sonnaient non-stop du matin 6h jusqu'au soir 22h minuit, ça n'arrêtait jamais, on décrochait les téléphones, les combinait, parce que c'était à force, c'était fou, et ça appelait tout le temps, ça ne s'arrêtait jamais. Jamais, c'est fou. Et alors, voilà. Dans ce cas, je serais curieux de connaître le pire souvenir. Le pire souvenir en radio, mon pire souvenir, c'était à Média Tropical. Je faisais cette émission l'après-midi. On avait voulu faire un petit peu de libre antenne aussi l'après-midi, prendre des auditeurs et tout. J'adorais Super Nana qui pouvait se permettre plein de choses à l'antenne. Et voilà. Et un jour, un auditeur me dit, comme il avait dit à Super Nana quelques semaines avant, ça va pas tout ça et tout. Moi, je lui dis, saute par la fenêtre. J'étais très con. Voilà. Oui, bah oui. J'ai pas eu de problème derrière, mais voilà, je voulais faire comme petit animateur, je voulais faire comme les autres, mais voilà, quand Super Nana dit ça à l'antenne, c'est génial, et moi, c'était pas génial du tout, c'était naze. Et donc, à part dire saute un auditeur, un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait faire de la radio? D'être passionné et de foncer. Si vous pensez que c'est ça que vous voulez faire pendant toute votre vie, eh ben foncez, et peu importe ce qu'on peut vous dire, ce qu'on peut vous raconter, les bâtons qu'on vous mettra dans les roues, il faut y croire, et si vous y croyez, ben vous le ferez. Et si vous êtes passionné, vous le ferez. Moi, je travaille pas aujourd'hui, je m'amuse et on me paye pour ça, et ça fait 30 ans que ça dure, et pourvu que ça dure encore très longtemps. C'est génial. Croisez les doigts, hein. Un jour à RTL peut-être. oui, le message est lancé, voilà. Voilà, tout à fait. Merci Christophe Marceau en tout cas d'avoir partagé ces moments avec nous. Ben merci à vous, ça a passé très très vite. Hein. Très vite, ouais. C'est déjà fini, ouais. Et puis nous on se retrouve le mois prochain sur Fréquence Protestante pour une nouvelle Mécanique des Ondes. D'ici là, n'oubliez pas, émission à retrouver en podcast à tout moment sur fréquenceprotestante.com et sur les réseaux sociaux de la Mécanique des Ondes.